L'animal était proche. L'homme se roula dans la merde afin de dissimuler son odeur. L'homme chassa l'arc. Il prend une flèche, l'encoche, vise l'animal et bloque. Une seule suffit pour abattre le terrible castor. Il avait enfin sa pitance, le valeureux trappeur. La chasse à l'arc.